Voici votre bulletin régional. À 20h, le 28 janvier, à Ascot Corner, dans le cadre du carnaval, il y a partie de hockey amicale. Le défi des vieux renards, où les étoiles des années 60 rencontrent les étoiles des années 1970. À 20h, le 29 janvier, à Ascot Corner, dans le cadre du carnaval, il y a partie de hockey amicale. Le défi des jeunes loups, où les étoiles des années 80 rencontrent les étoiles des années 90.